J'ai laissé l'éclat derrière, j'ai laissé la guerre, l'arrogance. Je revenais pas pour régner, je reviens pour être là. J'ai plus de 30, j'ai plus de masque, j'ai juste ce micro, ma voix. Et ceux qui veulent encore entendre, je suis pas là pour qu'on m'acclame. Mais si t'es là, alors on repart ensemble. Chaque de ce qu'il met, je suis plus qu'un pseudo. Je suis un survivant d'un monde qui brillait trop fort. Maintenant je brille moins, mais je vis mieux. Chaque stream que je fais maintenant, c'est pour respirer, pour construire, pour ressentir. Pas pour dominer, juste pour partager. Cette fois, je suis vraiment.